L'information du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, publiée le 16 juin contre les menées de sanctions et de pression lâches des États-Unis et de leurs suivistes contre notre République, a été distribuée le 5 juillet comme dossier officiel de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU 1-71-941-S-2017, numéro 535.